j'étais prête à vous rencontrer. Sur le chemin de notre vie, j'avais perdu le temps de vivre. Vous arrivez à temps pour me laisser le temps d'aimer. Tu gagnes ta vie, tu laisses vivre pour me donner la joie, l'éternité pour m'approcher de ton amour. On se remet. On se suivra de près, de loin. On prendra tout le temps de vivre. On perdra notre temps à s'oublier pour mieux s'aimer. Passer le temps d'aimer.